4. Le premier antagoniste que Maxime eut à combattre fut Jubaldus, préfet des Gaules, que Gratien, informé du mouvement séditieux opéré dans l'île, avait envoyé pour s'opposer au débarquement de l'usurpateur. La rencontre eut lieu à Guidalette. Jubaldus fut vaincu et tué dans la bataille. Le soir même, Sulpice, général romain, effrayé de cette nouvelle, ouvrait à Maxime les portes de Condat, Rennes, ainsi appelée de la couleur rouge de ses murailles, et se rangeait avec ses soldats sous les aigles du vainqueur. Le lendemain, Maxime, partout victorieux, entrait à Condivic. Nantes. Conan Mériadec l'avait accompagné et grandement secondé dans son entreprise. Là, les deux amis se séparèrent. Conan, nommé roi du pays, resta pour consolider sa conquête. Maxime, emmenant avec lui toutes les troupes romaines cantonnées dans l'Armorique, partit pour aller se faire reconnaître empereur à Lyon et assassiné sous les murs d'Aquilée. Pendant que ces événements s'accomplissaient, les Armoricains, tranquilles spectateurs de cette lutte intestine, se gardèrent bien de bouger. Mais une fois délivrés des Romains, ils se levèrent de toutes parts, s'efforçant de ressaisir leurs biens et leurs libertés, avant qu'ils ne passassent aux mains du nouveau maître. Conan et ses Bretons insulaires résistèrent glorieusement à ces attaques unanimes, et après quelques mois de combats et d'efforts infructueux, les Armoricains, vaincus sur tous les points, furent obligés de reconnaître sa puissance. Avant la conquête des Romains, l'Armorique contenait 6 peuples principaux. Les Redones, les Napnètes, les Diablintes, les Curiosilites, les Vénètes et les Oxysmiens. Ces 6 États, indépendants les uns des autres, mais confédérés pour la défense commune, étaient gouvernés par des magistrats élus par le peuple. Les intérêts généraux étaient discutés dans une grande assemblée qui avait lieu chaque année. Les Romains avaient supprimé ces assemblées. Conan les rétablit. Il distribua les principaux emplois à ses capitaines et leur donna des terres et des revenus. Il créa des comtes pour l'accompagner, des ducs pour conduire les armées et dota le pays de lois sages et protectrices qui adoucirent pour les habitants l'amertume de leur nouvelle servitude. Mais Conan Mériadec nourrissait un projet d'une exécution autrement difficile que la constitution de son royaume. Soit qu'il eût remarqué le caractère éminemment religieux de la guerre qui lui avait été faite et reconnu l'influence dangereuse que les druides exerçaient sur son peuple, soit qu'il obéisse simplement, dans cette circonstance, à l'inspiration de ses sentiments privés, il résolut d'anéantir le culte druidique et de lui substituer le culte chrétien, qui n'avait eu encore que de rares et faibles représentants en Armorique. Aussitôt, il fonda des églises, des évêchés, des monastères. Les druides, persécutés jusqu'au fond de leur retraite, désertèrent leurs collèges et, terrifiés, renoncèrent à leurs privilèges sacerdotaux, ou convertis embrassèrent les fonctions évangéliques. Ses travaux accomplis, Conan put s'occuper de soins plus doux. Quelques-uns de ses capitaines étaient mariés et avaient laissé dans l'île leurs enfants et leurs femmes. Parmi ses compagnons, beaucoup, aveuglés par l'orgueil insensé que donne la victoire, refusaient dédaigneusement de s'allier aux familles armoricaines. Enfin, lui-même nourrissait au fond du cœur un tendre souvenir. Il lui tardait, conformément à ses promesses, d'associer à son bonheur Darérea, la belle écossaise. Le jeune roi envoya des vaisseaux et un messager chargé de réclamer ses épouses et ses fiancées. Depuis longtemps, Octavius ne régnait plus à Caer Lud. Dionote lui avait succédé. Ce monarque acquiesça avec empressement au désir de son voisin. Il réunit aussitôt 11 000 vierges des plus nobles familles, leur joignit la princesse Ursule, sa propre fille, et les embarqua sans retard sur les vaisseaux envoyés par Conan. Le départ eut lieu sous les plus favorables auspices, la mer était calme, aucune ride n'altérait sa surface, le ciel était pur, aucun nuage ne souillait l'horizon. Mais à peine la flotte eut-elle perdu de vue les bords de l'île qu'il s'éleva un orage épouvantable. Jamais les vagues ne déployèrent tant de fureur. Jamais les airs ne furent sillonnés par des éclats de foudre si rapides. Jamais les vents ne rugirent avec plus de violence. L'océan fut bouleversé de fond en comble. Les continents eux-mêmes furent ébranlés. Plusieurs nefs vinrent se briser sur les côtes armoricaines, d'autres coulèrent sur place. Le vaisseau qui portait la princesse et ses nobles compagnes, poussé par l'ouragan, alla échouer à l'embouchure du Rhin, où les jeunes vierges, miraculeusement sauvées de la tempête, furent impitoyablement massacrées par les Huns. À cette nouvelle, la consternation fut grande chez les deux peuples. Cependant, plein de respect pour les décrets impénétrables de la Providence, Conan et ses amis se résignaient déjà à leur malheur lorsque tout à coup une sourde rumeur, sortie du sein de la foule, vint divulguer les causes réelles de l'événement et désigner à la colère publique les cruels auteurs de cet affreux désastre. Les prêtresses de l'île de Sechun avaient de tout temps exercé un prestige plus grand que les druides sur l'esprit des populations. Sans doute, elles devaient ce prestige à la nature de leur sexe. D'un autre côté, elles avaient une action plus directe sur le peuple. Les druides commandaient un grand respect pour leur austérité, leur instruction profonde, et l'espèce de mystère dans lequel ils enveloppaient leurs actes et leurs personnes. Mais les druidesses étaient généralement redoutées. On les supposait douées d'une grande intelligence, d'une beauté merveilleuse et des plus rares qualités. Leur chant était si doux et en même temps si extraordinaire qu'on ne pouvait les oublier quand on les avait une fois entendues. Comme les muses de la Grèce, elles présidaient à la poésie, à la musique, à tous les arts libéraux. Les enfants du soir, qui vivaient dans le sein des lacs, venaient souvent, disait-on, leur chanter des poèmes qui leur parlaient de félicité parfaite. Elles guérissaient les maladies, elles connaissaient l'avenir, elles avaient le don de se rendre invisibles. S'il arrivait qu'une longue sécheresse menaçât les récoltes, les druidesses se saisissaient d'une jeune fille vierge, la dépouillaient de ses vêtements, et suivie de toutes les autres filles de la contrée, elle se rendait dans la campagne afin de rechercher la plante appelée Belisa, la Jusquiam. Quand cette plante était trouvée, la jeune vierge l'arrachait avec le petit doigt de la main droite et l'attachait au petit doigt de son pied droit. Ses compagnes, alors, des rameaux à la main, conduisaient la jeune fille qui traînait derrière elle la Belisa jusqu'à la rivière la plus proche, l'y faisaient entrer, l'aspergeaient de leurs rameaux mouillés et la ramenaient ensuite au temple en l'obligeant à marcher à reculons. Aussitôt, la pluie tombait par torrents. Les druidesses avaient en outre, ainsi que nous l'avons dit, le pouvoir d'exciter et d'apaiser les tempêtes. Tous les ans, elles devaient découvrir le toit de leur temple et le découvrir en un seul jour, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Celle qui laissait tomber son fardeau ou qui tombait elle-même était à l'instant mise à mort et ses membres palpitants étaient traînés autour du temple par ses cruelles compagnes. Enfin, lorsque l'une d'elles venait à mourir, cet événement était considéré comme le présage d'un grand malheur pour l'État. Or, en dépit des mesures sévères dont Conan Meriadec avait frappé leur ordre, les prêtresses de Sechun étaient parvenues à se soustraire seules à la proscription générale. Cachées dans leur île, qu'un brouillard perpétuel dérobait aux regards et aux recherches de leurs ennemis, elles donnaient asile à tous les mécontents. Des druides, réfugiés près d'elles, assurait-on, instruisaient en secret de jeunes sectaires et se proposaient de rétablir dans l'Armorique, par la force des armes et l'influence des opérations magiques, le culte de leur dieu proscrit. Ce qui du moins paraissait certain, c'est que toutes les nuits, à la clarté de la lune, elles accomplissaient des rites mystérieux et que des évocations funestes troublaient depuis quelque temps les échos des dangereux rochers de Pinmar. Les bruits qui grondaient dans leurs sombres cavernes avaient redoublé d'intensité et les pêcheurs entendaient des tonnerres continus qui venaient les effrayer à des distances inaccoutumées. Quelques-uns même prétendaient avoir vu, le jour du naufrage, les prêtresses, debout sur leurs rochers, commander aux nuages et diriger la foudre au plus fort de la tempête. Il n'en fallut pas davantage pour les rendre responsables de ce funeste événement. Conan était loin de partager les superstitions de son peuple. Cependant, il crut devoir mettre fin à ces rumeurs dangereuses et détruire ce dernier repère d'une religion qui, partout ailleurs, n'existait plus. Il envoya dans l'île des soldats chargés de saisir et d'amener les prêtresses. Les soldats s'embarquèrent, on les vit partir, s'éloigner et disparaître dans la brume, mais ils ne revinrent plus. Conan pensa qu'ils avaient péri en route et en expédia de nouveau qu'ils ne revinrent pas davantage. Alors, il commença à se douter de quelque trahison. Jusque-là, il n'avait choisi pour cette mission que des chefs de second ordre, peut-être trop faciles à séduire ou inhabiles à se défendre. Cette fois, il jugea nécessaire de la confier à un homme sur l'expérience et le courage duquel il put compter. Il réunit ses meilleurs soldats, les chaussa de galoches, espèce de sandales à l'usage des peuples de l'Armorique, les revêtit de braies et de manteaux à capuchon, et ainsi déguisé dans le costume du pays, les plaça sous le commandement de Sanan, frère de Daréréa, qui possédait toute son amitié et toute sa confiance. Pour plus de sécurité, la petite troupe n'appareilla que pendant la nuit. 5. En ce temps-là, la ville d'Oxysmore et les côtes voisines étaient souvent visitées par des pirates. Conan Meriadec éleva dans les environs et à peu de distance de la mer un château destiné à protéger le pays contre ces invasions désastreuses. Parfois, il se plaisait à y faire sa résidence. Ce château, qui a conservé le nom de son fondateur et dont on voit encore aujourd'hui les ruines, était construit sur le modèle des citadelles romaines. C'était un vaste parallélogramme flanqué de tours carrées. Du sommet de ces tours, il était facile de découvrir au loin ce qui se passait sur le rivage. Des soldats placés en vigie sur les plateformes y faisaient continuellement une bonne surgarde. Quelques croisées, longues et étroites, disséminées sans ordre sur la surface des murailles, éclairaient les salles intérieures dont les plus hautes seules servaient d'habitation au monarque, les plus basses étant occupées par la garnison. Au moment dont nous parlons, Conan se trouvait au castel Meriadec. Note de la lectrice, aujourd'hui commune de Bréles, arrondissement de Brest. Assis sur un simple escabeau de bois en guise de trône, ayant pour dais la voûte massive qui soutenait les galeries supérieures, pour tapis une litière de paille fraîche, pour sceptre une longue baguette blanche terminée par une fleur d'argent semblable à celle du lotus, il présidait gravement un conseil dans lequel se discutait la création de deux nouveaux évêchés, ceux de Nedun, Dol, et de Diarorig, Van, qu'il s'agissait d'ajouter à ceux existants déjà, de Condivic, Nantes, et de Condat, Rennes. Ses traits pâles et amaigris portaient encore l'empreinte du récent malheur qui l'avait frappé. Gralon, Fragan, quelques autres officiers et un certain nombre de prêtres composaient l'auguste assemblée. Tout à coup, un nouveau personnage entra dans l'appartement. C'était Sanan, celui que Conan avait chargé de l'arrestation des druides. Son armure était couverte de poussière. À sa vue, le jeune roi se leva précipitamment et courut à sa rencontre. « Eh bien, » dit-il. « Seigneur, » répondit Sanan, « tes ordres sont exécutés. Où sont les prêtresses ? Je les ai fait renfermer dans la tour que Jules César a fait construire sur la côte, près du Conquet. Je veux qu'on me les amène, » dit Conan. « Seigneur, » reprit Sanan, « cela ne pourrait s'effectuer sans danger pour la vie de ces femmes, car l'armée est exaspérée contre elles et demande leur mort à grands cris. » Conan fit un geste de surprise et de mécontentement. « Oui, » continua Sanan, « aujourd'hui, plus que jamais, on persiste à accuser ces prêtresses du naufrage malheureux qui nous a privés de nos sœurs, de nos enfants, de nos épouses et de nos fiancés. Lorsque nous sommes arrivés dans l'île, la lune brillait au ciel dans tout son éclat. Nous avons trouvé les druidesses échevelées, revêtues d'une simple tunique noire, la tête couverte d'un voile de même couleur. Au milieu d'elles, sur un autel cubique, on voyait le vase étrange qu'elles appellent la fontaine Hazenladour, ou du sacrifice, dans lequel étaient déposées les plantes maléfiques qui servent à composer l'eau de l'inspiration. Elles avaient les bras nus, et chacune d'elles tenait une torche allumée qu'elles ranimaient de temps à autre par une vive secousse, en figurant autour de la pierre cubique une sorte de danse qu'accompagnait un chant plaintif et lent. À quelque distance, un petit nombre de druides prosternés priaient silencieusement, tandis que des bardes, armés de hoches, repoussaient la foule compacte, attirée par la pompe de cette singulière cérémonie. À cette vue, nos soldats n'ont plus douté que leurs compagnons, ceux que tu avais envoyés les premiers dans l'île, n'eussent été massacrés par ces fanatiques, et qu'en ce moment même, les prêtresses n'évoquassent contre nous des calamités nouvelles. Au retour, ils ont fait part de leurs impressions aux soldats campés sur le rivage, et c'est à peine si j'ai pu arracher les prêtresses à leur fureur. « Merci à toi, Sanan, » dit Meriadec en serrant avec effusion la main de son capitaine, « car ces vierges ne doivent pas mourir. » Sanan hocha la tête avec douleur. « Il faudra pourtant qu'elles meurent, » reprit-il, « car je te l'ai déjà dit, l'armée veut leur mort, et si tu la lui refuses, nous sommes menacés d'une révolte. » À ces mots, Conan bondit de colère. « Une révolte » dit-il, « une révolte ! Et pourquoi cela ? Parce que je refuse de livrer à leur fureur 9 malheureuses femmes, égarés et sans défense. Les chrétiens devraient se souvenir pourtant des cruelles persécutions que leur firent subir les empereurs romains. La terre est encore rouge près de Condivic, Nantes, du sang de Donatien et de Rogatien, les deux fils du gouverneur, que Dioclétien fit décapiter il y a environ un siècle. Ce n'est pas par le martyr qu'on détruit les religions. D'ailleurs, je ne veux pas souiller mon règne par une action si lâche. C'est bien assez des bruits mensongers répandus à mon couronnement, par lesquels on m'accusait de vouloir faire égorger tous les mâles de ce pays pour assurer la paix, et couper la langue à toutes les femmes que nous épouserions ici, de peur qu'elles n'élevassent leurs enfants en haine de leur père. Après cette véhémente sortie, Conan laissa tomber son front sur sa poitrine et demeura un instant soucieux, en proie à une émotion inexprimable. « Meriadec, reprit Sanon, nous perdons un temps précieux. Monte sur la plateforme de cette tour et vois toi-même ce qui se passe là-bas, sur le rivage. Un pressentiment sinistre m'agite et je crains qu'il ne soit déjà trop tard pour prévenir la sédition. » Conan ne répondit rien, mais suivant avec empressement l'avis de son conseiller, il entra dans un petit escalier de pierre pratiqué dans l'épaisseur de la muraille et monta sur le sommet du donjon. La distance qui séparait le château du camp ne permettait pas de distinguer nettement les objets. Cependant, la tour de César, vivement éclairée en ce moment par les rayons du soleil couchant, apparaissait à l'horizon toute flamboyante. Une masse noire, confuse, mouvante comme les flots de la foule, semblait en étreindre le pied comme un anneau gigantesque. « Tu as raison, » dit Meriadec à Sanan qui l'avait suivi sur la plateforme. « Le péril est imminent. Il faut voir cela de plus près. Partons. » Quelques instants après, Conan s'acheminait à cheval vers le Conquet, accompagné d'un nombreux cortège. À mesure qu'ils approchaient, ils entendaient la grande voix de la mer et celle des soldats qui se confondaient dans une rumeur grave et menaçante. Bientôt, des groupes tumultueux entourèrent le monarque, et lorsqu'ils furent devenus plus compacts, le désordre et les cris furent tels qu'il fallut faire marcher des soldats en avant pour ouvrir la route. « Meriadec, dit Sanon, tu vois que je ne t'ai pas trompé. » Le roi garda le silence. Aux environs de la tour de César, les clameurs étaient d'une nature encore plus terrible. Là, on prononçait le mot de mort, et l'on parlait de mettre le feu à la prison. Conan ne put se contenir davantage. « Sanan, dit-il, une pareille insubordination est intolérable. Va, fais ranger l'armée en bataille. Il est temps de faire entrer ces mutins dans le devoir. » Sanan obéit à regret, mais sans observation aucune. Aussitôt, les clairons et les trompettes, dont les Romains avaient introduit l'usage dans les armées étrangères, retentirent de toutes parts. À ce bruit, les soldats prêtèrent l'oreille. Il se fit sur toute la plage un mouvement semblable à celui d'une fourmilière. Et cette multitude, un instant auparavant si brillante et si désordonnée, cédant momentanément à ses instincts d'obéissance, se tut et s'étira d'elle-même comme une masse informe de métal qu'on passe au laminoir. Le silence était profond. Déjà la nuit arrivait et projetait sur les objets l'ombre de ses grandes ailes noires. Conan s'avança devant le front de bataille, entre les soldats et la mer. Il voulait parler, mais une indécision cruelle retenait les paroles sur ses lèvres. Alors l'armée, impatiente, inquiète, recommença ses murmures. En vain, les chefs s'efforçaient de calmer l'effervescence et d'apaiser le tumulte. Un bruit sourd et confus s'étendit sur toute la ligne et, grandissant dans sa marche, se changea bientôt en vociférations féroces qu'il n'y avait plus moyen de contenir. « Meriadec, dit Sanon, permets-moi de te donner un dernier avis. Tu tiens dans une main la vie de 9 femmes inconnues et inutiles. Dans l'autre, la destinée de tout un empire. Pèse et choisis. Et encore non, tu n'as pas le choix. Comment résister à cette foule d'hommes aveuglés par la colère ? Ta mort, qui sera le premier effet de leur vengeance, n'empêchera point le sacrifice des malheureuses que tu veux sauver. Elle sèmera le désordre dans l'État, la discorde parmi les ambitieux qui auront des prétentions à l'héritage de ta couronne. Pendant les troubles, les Romains jaloux de ta puissance, les Aquitains envieux de ta conquête, se jetteront sur le pays, et facilement vainqueurs d'un peuple livré à l'anarchie, ils nous replongeront dans l'esclavage. Était-ce donc la peine de nous arracher de notre île et de nous transporter sur ce sol ingrat, acheté au prix de si grands sacrifices ? Songe à ce qu'il nous a coûté déjà, la perte de nos plus braves compagnons, celle de nos enfants et de nos femmes, et enfin, pour mettre le comble à notre douleur commune, la mort de Darerea. Conan, les rois sont les maîtres des peuples, mais ils sont les très humbles sujets des événements. Quand les circonstances commandent, le pouvoir royal doit ployer ou se rompre, et s'il est sage et prudent de leur obéir, il y a folie à leur résister. En ce moment, il se fit une explosion de cris si soudaine et si terrible que Conan lui-même douta cette fois de sa puissance. « Allons, dit-il, puisque vous le voulez tous, qu'elles meurent, mais vous répondrez seuls de leur mort à Dieu et à la postérité. » Aussitôt, Sanon triomphant appuya ses éperons au ventre de son cheval et partit comme un éclair. Alors on entendit résonner de nouveau les fanfares, le silence se rétablit et la résolution du prince fut reçue avec de grands brandissements d'épées et de lances, avec de nombreux applaudissements et de brillantes acclamations. Pendant qu'un détachement de soldats allait chercher les prisonnières, Conan envoya un officier demander Patrice, le frère de Sanon et de Darerea, qui professait le cléricat dans les environs, afin qu'il assistât les jeunes druidesses à leurs derniers moments. La demeure de Patrice était remarquable par son extrême simplicité. À cette époque, les prêtres n'habitaient encore que de chétives cellules. Ils recueillaient les aumônes d'argent dans de grossières écuelles de bois et les offrandes en blé dans des cuves. Dès que le messager du roi eut appris à Patrice le sujet de sa mission, celui-ci se mit en route. Il arriva sur le rivage en même temps que les prêtresses. Tout fut bientôt disposé pour l'exécution. On avait préparé à la hâte un bûcher composé de troncs d'arbres, de branches mortes, de feuillages secs. L'armée, intérieurement satisfaite, mais vivement impressionnée par cette lugubre scène que les ténèbres de la nuit rendaient encore plus imposante, regardait ses préparatifs dans un religieux silence. À un signal donné, le bourreau alluma la torche fatale. Les 9 vierges passèrent une à une devant lui et s'avancèrent d'un pas ferme vers le bûcher. Déjà 8 d'entre elles s'y trouvaient réunies lorsque tout à coup, au moment où la dernière mettait le pied sur la funeste échelle, Sanon, Patrice et Meriadec poussèrent un cri de surprise et d'effroi. Ils venaient de reconnaître en elle Darerea, miraculeusement sauvés et recueillis par les prêtresses le jour du naufrage, et qu'ils avaient condamné eux-mêmes à mourir. Meriadec, éperdu, sauta à bas de son cheval pour se précipiter vers sa fiancée, mais Sanon, plus prompt que lui, l'arrêta par le poignet. « Conan, dit-il, contiens-toi, ou tout est perdu. » Puis, se tournant vers le bourreau, « Soldat, reprit-il, donne-moi cette torche et retourne à ton rang. Ta main n'est point assez auguste pour immoler de si nobles victimes. » Le soldat se retira. « Patrice, continua Sanon, en s'adressant à son frère, l'armée nous regarde. Elle est inquiète. Nous tardons trop. Ordonne aux soldats de s'agenouiller et de se prosterner dans la poussière pendant la durée du sacrifice. Alors tu fuiras avec Darerea. La ville de Tréguier se ferme au coucher du soleil, et les chiens énormes que les habitants d'Alette, Saint-Malo, lâchent le soir pour garder leur cité pendant la nuit, parcourent déjà la campagne. Il est impossible en ce moment de profiter de l'asile inviolable qu'offrent le jour ces 2 Minihi, lieux d'asile. Mais des barques nombreuses sont amarrées au rivage. Prends un de ces bateaux et tâche de gagner l'Irlande. Le prêtre obéit. À sa voix, on vit dans l'ombre un grand ruban s'agiter, se ployer en 2, s'étendre sur le sol, puis tout redevint immobile. Aussitôt le feu fut mis au bûcher et projeta sa lueur révélatrice jusque sous le visage des soldats. Les jeunes vierges, auxquelles on avait bandé les yeux pour leur dérober la fuite de leurs compagnes, se prirent les mains et, unissant leurs voix dans un concert sublime, entonnèrent en chœur leur cantique de mort. Pendant ce temps-là, Patrice, soutenant la marche chancelante de sa sœur et la couvrant de son mieux sous son manteau de peau brune, glissait rapidement au ras de terre en se dirigeant vers le rivage. Meriadec et Sanon, restés seuls près du bûcher, suivaient d'un œil inquiet les mouvements de l'armée. Une tête qui bougeait, un soldat fatigué qui changeait de posture, soulevaient dans leur cœur des angoisses inexprimables. De fait, un caprice, un soupçon, un sentiment de curiosité de la part d'un seul des 1000 guerriers qui assistaient au sacrifice suffisait pour renverser leurs espérances et réveiller l'esprit de révolte. Enfin, les chants cessèrent de se faire entendre, les vierges et les troncs d'arbres à demi consumés s'affaissèrent, la flamme privée d'aliments s'éteignit d'elle-même, Conan prêta l'oreille et distingua confusément dans le lointain le bruit d'une barque qui sillonnait les ondes. Il fit un signal, toute l'armée se releva. Darerea était sauvée et le druidisme avait disparu du monde religieux avec la vie de ses dernières prêtresses. Dans la suite, Darérea vint retrouver Conan à Condivic, Nantes, où il avait établi sa résidence, et leur mariage y fut célébré avec magnificence. Conan agrandit son royaume de tout le pays de Ray et de toutes les nations qui bordent la Loire jusqu'à la cité de Bourges inclusivement. Sa puissance devint telle que les Romains traitèrent avec lui par l'entremise d'Exupérantius, préfet du prétoire des Gaules, et que l'empereur Honorius, fils et successeur de Théodore dans l'Occident, fut obligé de placer des troupes sur les marches de l'Armorique pour se défendre contre les incursions bretonnes. Enfin, l'an de Jésus-Christ 421, il mourut à l'âge de 65 ans, après avoir consolidé à jamais sa conquête et passé 38 années sur le trône. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Paul de Léon qu'il avait fait construire. On lui éleva un simple monument de pierre qui portait pour inscription « Hic jacet Conanus Britonum Rex ». Hippolyte Étienneuse.